Elle est mauvaise, mauvaise. Fiat 500 et donne pas l'air parce qu'elle est mauvaise, mauvaise. Elle veut prendre ton blé et un jet aéroport de Beauvais, Beauvais. Après un lit de Jack et t'insultes ta mère. Elle est mauvaise, mauvaise. Elle est mauvaise, mauvaise. Tu vas pas la bluffer, elle a déjà tout vu, elle sait que tout s'achète, même ta putain de fierté. Vu que t'es qu'un fardeau, elle voudrait te voir crever dans le dos.